J'ai pas la force pour tout vous dire, mes fautes m'empêchent de parler. Ce que je raconte est plutôt triste, c'est peut-être ce qu'il vous fallait. Cracher à la gueule des gens, ma haine c'est plutôt cool. L'honnêteté manque, à part les vrais dans ce milieu, on n'est plus beaucoup. Je suis un milieu de la pole position, mais je garde le cap. J'entends mes refus de la proposition quand ils me parlent de rap. Ma ville est pourrie jusqu'à l'os, sans être méchant. On fait tous la même chose, mais qui marquera le temps. Des notes sur du papier, des cernes sous mes paupières. Relève la tête, rien n'est parfait. Souvent l'homme est trop fier, drôle d'atmosphère. Les gosses sont perdus dans la fumée, pas d'avenir. De cosmos en vue, mais ils rêvent de la fusée. Les abusés, parce que la vie leur vend, ils serrent en ville. Comme la plupart, à cause de ce qui se passe ici-bas, je suis pas tranquille. Un peu trop sensible, le temps me forge un cœur de pierre. À vrai dire, j'ai du mal à m'attacher par peur de perdre. J'garde le sourire même quand la vie me joue des tours. Juste une bouffée d'air, quand je suis dans la merde jusqu'au cou, jusqu'au bout j'irai. J'crois en mes rêves, j'crois en mes ambitions, j'les entends soupirer. Mais la lumière est juste une addiction. J'garde le sourire même quand la vie me joue des tours. Juste une bouffée d'air, quand je suis dans la merde jusqu'au cou, jusqu'au bout j'irai. J'crois en mes rêves, j'crois en mes ambitions, j'les entends soupirer. Mais la lumière est juste une addiction. Sans déconner, va falloir bétonner mon mental. C'est la panique totale quand je vois les ravages qu'il commet. Tu connais les rendez-vous avec ma conscience, s'entasse mes dangers. Le compromis s'éloigne de jour en jour, j'ai pas fini d'en chier. C'est drôle bazar, ça se tape en haut en bas. Garde d'ego dans toute la classe, va pas de monter des eaux, on boit déjà la tasse. Hey, pour cette étude de trois verres, te sens-tu prêt à réviser les gammes de ta nature dans ses travers? J'rappe grave, c'est tout ce que je sais faire. Un poil crade, vulgaire pour apporter à mon message une touche sévère. Quelle est ma place dans ce merdier? J'ai déjà fracassé la boussole de rage avant même que vous vous perdiez. Mes rêves, ils meurent jusqu'au prochain jour de soleil. J'ai sommeil, désolé, faudrait me réveiller, pas me raisonner. C'est décidé, déchiffrer ça m'effraie, faire les frais, je vais éviter. À force de chercher, là je me dessèche dans un désert d'idées. J'garde le sourire même quand la vie me joue des tours. Juste une bouffée d'air, quand je suis dans la merde jusqu'au cou, jusqu'au bout j'irai. J'crois en mes rêves, j'crois en mes ambitions, j'les entends soupirer. Mais la lumière est juste une addiction. J'garde le sourire même quand la vie me joue des tours. Juste une bouffée d'air, quand je suis dans la merde jusqu'au cou, jusqu'au bout j'irai. J'crois en mes rêves, j'crois en mes ambitions, j'les entends soupirer. Mais la lumière est juste une addiction. La mère se fait un sang d'encre et va son fils en pierre standard. Ma main fait la navette, appelle la sang puis rentrer tard, t'as c'est le pétard. Je leur donne la gueule même sans AV César. Creuser l'écart à la vingtaine, j'écris la fin de l'histoire. Je décroise les doigts, c'est tout donné sans rien recevoir. Mélange dans la paume de la main. Les frosés encore un soir, fais ma vidange près de chez le voisin. Ça fait 10 piges qu'on s'en balance du rêve ricain. Donc chante pas la mairie comme Joe Dassin. Rap français c'est mon vaccin, odeur de sapin, le goût de l'agneau de l'intestin. Le soir c'est convivial, mais le matin ça l'est déjà moins. Oh le destin, je le connais, hop, cherche la réponse au fond du flash. Pas la lumière à chaque étage, un sachet d'âge en poche. Mais je crains le tabac du coin, un paquet de cash en vol. Crache mes garrots à même le sol. Loupé le coche, moi je connais la situation. Près du gouffre, pas du lagon, perdu ma conce. On reçoit l'hypercute qu'après l'action. J'garde le sourire même quand la vie me joue des tours. Juste une bouffée d'air, quand je suis dans la merde jusqu'au cou, jusqu'au bout j'irai. J'crois en mes rêves, j'crois en mes ambitions, j'les entends soupirer. Mais la lumière est juste une addiction. J'garde le sourire même quand la vie me joue des tours. Juste une bouffée d'air, quand je suis dans la merde jusqu'au cou, jusqu'au bout j'irai. J'crois en mes rêves, j'crois en mes ambitions, j'les entends soupirer. Mais la lumière est juste une addiction.